distance, vraiment tranquille. Monsieur n'aime pas les surprises. Il trouve que la fantaisie n'est plus de mise. Monsieur a donc une vie réglée. Il va de son travail à son de pièce propre. Et cependant, monsieur se pose quelques questions. Mais il les noie très vite dans une quelconque boisson. Monsieur a tout de même quelques amis, de vieux camarades de passion d'antan. Monsieur a été jeune et naïf avant que l'amorosité le tienne entre ses griffes. Ils sont un peu tristes. Monsieur fut souvent un amour transi. Il se dit que c'est sa lâcheté qui l'a trahi. Monsieur n'a pas pu ou n'a pas su comprendre que l'amour se passe de superflu. Monsieur n'est pas très généreux. Il est plus attachant que pathétique. J'aurais voulu qu'il soit heureux et que nos vies soient héroïques. Monsieur n'est rien qu'un anonyme, mais il possède plus de choses qu'il n'en exprime. Monsieur ne s'accorde que du mépris. Il se sent faible et sans génie. C'est son destin.